بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، وقد وصلنا إلى البكاء عند قراءة القرآن أو سماعه. Nous sommes arrivés aux pleurs lorsqu'on lit le Coran ou lorsqu'on l'écoute. Imam Nawawi dit, رحمه الله، vous avez dit cela, البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. La lecture ou le pleur lors de la lecture du Coran, c'est un attribut de ceux qui savent, c'est-à-dire de ceux qui connaissent Allah. Al-arifin, c'est ceux qui connaissent Allah. Aussi, c'est un point ou une caractéristique parmi les caractéristiques des serviteurs d'Allah pieux. Ibadullah al-Salihin, yabkoum, inda qira'at al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى رَسُولِي تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنْ حَقِّ. Ils disent, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils écoutent ce qui a été descendu en son envoyé, tu vois donc des larmes couler de leurs yeux de ce qu'ils connaissent de la vérité, de ce qu'ils connaissent de la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, lorsqu'il mentionne cela, ليس على سبيل التأسي، ليس على سبيل الذم، وإنما على سبيل التأسي بهم. Lorsqu'il parle de cela, Allah c'est pas pour les réprimander ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt pour que nous on fasse comme eux. Donc c'est pour montrer que c'est une bonne sifat de pleurer lorsque les gens, maintenant lorsqu'on lit le Coran. C'est partie des sifat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ibn Mas'ud, donc il dit, قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم demande à Abdallah ibn Mas'ud, lis devant moi le Coran. قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل. Ô envoyé d'Allah, je le lis sur toi alors que c'est sur toi qu'il a été descendu. قال نعم احب ان اسمعه من غيري. J'aime l'entendre d'autres que moi. قال فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية. Donc il dit, j'ai récité la sourate An-Nisa jusqu'au moment où je suis arrivé à ce verset. فكيف إذا جئنا بكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Et comment lorsqu'on vient avec pour toute communauté on apporte un témoin, c'est-à-dire un nabi, le shahid ou un nabi, et on est venu avec toi pour cela comme témoin. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallam était témoin pour sa communauté. Qala hasbuk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdallah ibn Mas'ud, stop, arrête-toi, hasbuk. Fa idha aynahu tajrifan. Et ses yeux donc étaient, ses larmes en réalité étaient en train de couler, ses yeux étaient en train de pleurer. Parce qu'il était touché de savoir que c'est lui, bien sûr, qui est, non seulement, c'est pas juste parce qu'il est prophète, qu'il est content qu'il pleure, mais surtout parce que c'est, donc c'est une conséquence vis-à-vis des épaules, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, c'est un devoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une responsabilité d'être envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Ibn Battal dit, rahmallah, إِنَّمَا بَكَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْدَ تِلَاوَةِ هَذِي الْآيَا أَدْلِ أَنَّهُ مَثَلَ لِنَفْسِهِ أَهْوَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِدَّةِ الْحَالِ الدَّاعِيَةِ إِلَى شَهَادَةِ عَلَى أُمَّتِهِ بِالتَّبْلِيغِ وَسُؤَالِهِ بِالشَّفَاعَةِ لِأَهْلِ الْمَوْقِفِ وهو أمر يحق له طول البكاء. Donc il a dit Ibn Battal, certes, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écouté donc ce verset, et que bien sûr donc il a pensé au périple du jour dernier et du moment très difficile de ce jour, et aussi de la situation et du rôle qu'a donc celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui prêche. Donc à ce moment-là, en plus il est quoi, il sera, donc il est le témoin parce que c'est lui qui a prêché, donc ils vont dire c'est lui qui nous a dit, donc ça sera lui l'exemple, donc il est bien sûr donc l'exemple pour sa communauté, les gens bien sûr vont dire qu'il est véridique, et en plus ils vont même lui demander ce jour-là, parce que le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait même en prière, lorsqu'on regarde on voit bien sur son rôle ce jour-là, c'est un rôle qui est énorme, parce que c'est lui un shafi, c'est lui qui va être le shafi ou le shafi, c'est lui. Donc on va demander l'intercession au moment où ça va être difficile, lorsque les gens seront dans la station. Et ça, bien sûr, ça demande à que la personne bien sûr pleure énormément. Et aussi, comme le dit Ibn Hajar, il dit bien qu'il a pleuré parce que, Allahu A'lam, parce qu'il va être témoin de leur science. Parce que c'est lui qui leur a enseigné la science au courant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, on a aussi des exemples, lorsqu'on a Abu Bakr Siddiq, qui pleurait bien sûr, donc beaucoup, Abu Bakr Siddiq qui pleurait énormément, dans, bien sûr, dans sa prière. Et la même chose aussi, lorsque Omar radhiyallahu anhu, donc elle a dit, « Innahu salla bil jama'a al-subh, faqara surat Yusuf, fabaka hatta salat dumu'ahu ala taqwati. » Donc, Omar radhiyallahu anhu, donc a prié, donc il a présidé la prière, surat Yusuf, il a resté surat Yusuf, et il a pleuré jusqu'à ce que, bien sûr, ses larmes tombent, donc ses larmes, bien sûr, coulent de lui et tombent. Et aussi, vous refusez, voyez, إِنَّهُ بَكَى حَتَّى سَمِعُوا بُكَاءَهُ مِنْ وَرَاءِ الصُّفُوفِ. Et il a pleuré au point où on a entendu ses pleurs des derniers rangs. On a entendu ses pleurs des derniers rangs. On sait qu'il n'avait pas de micro. Il n'y avait pas de micro, donc c'est bien sûr une voix qui est naturelle qui parle. Donc, c'est déjà plus difficile à ce que cette voix, déjà, partirait, mais serait loin, serait éloignée. Et aussi, فلا ما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه قيل له الصلاة قال مر أبا بكر فليصلي بالناس إلى من شد أبو بكر الصديق رضي الله عنه lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم donc sa maladie s'est aggravée donc il avait de plus en plus mal et on lui a dit la prière on demande au prophète صلى الله عليه وسلم de venir présider la prière et dit ordonnez Abu Bakr afin qu'il prie sur les gens afin qu'il préside cette prière. قالت عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رجل رقيق سيخ أبو بكر يتنمدو نفس ذلك يغلق رقيق إذا قرأ غلبه البكاء سيل بخي وسيل رسيت القرآن les pleurs donc vont bien sûr donc le prendre le dessus sur lui قال مروه فيصلي il a dit ordonnez-le il priera فعودته قال مروه فليصلي alors comment ça encore Aïcha radhiyallahu anha a insisté elle a dit ordonnez-le afin qu'il prie inna kunna sawahib yusuf c'est vous êtes comme les femmes qui étaient donc c'est-à-dire à l'époque du yusuf afin de dire que vous les femmes vous avez des pressentiments des sentiments et c'est les sentiments qui vous font en vérité qui vous dirigent même s'il pleure le pleur en vérité n'est pas quelque chose qui va être une gêne dans la prière c'est pas premièrement quelque chose qui va être une gêne dans la prière ou quelque chose qui va venir annuler ou bien amoindrir la prière. Au contraire, ça va plutôt donner et ça va pousser les gens justement à avoir un peu plus de khushu. Ça va les faire réfléchir sur les versets là où il s'est arrêté lorsqu'il a commencé à pleurer maintenant. Aussi, Abu Salah dit donc, قدم الناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعلوا يقرؤون القرآن ويذكر قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه هكذا كنا. Donc, une tribu des gens du Yémen sont partis voir donc Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu et ont récité le Coran et ont commencé à pleurer. Et Abu Bakr al-Siddiq a dit c'est comme ça que nous étions. Vous êtes dans la bonne voie dans le sens. C'est comme ça que nous étions. Qui nous, aux compagnons du prophète. Hein, nous, les compagnons du prophète, c'est comme ça que nous étions. Lorsqu'on récite le Coran, on pleure. Hakalakunna. Donc le pleur, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, même c'est même demandé. Donc on a vu plusieurs points, comme le fait de méditer sur le livre d'Allah, la récompense de la lecture du livre d'Allah, ainsi que ses pleurs, et là on va parler du Amel, Bikitabillah Ta'ala, le fait de mettre en pratique, le fait d'œuvrer avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, parmi le Amel fait partie des nafa'ih, des conseils les plus demandés. Donc il est bien sûr fortement recommandé, il est même obligatoire dans certains moments, de bien sûr d'œuvrer dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il y a des choses qui sont obligatoires dans ce livre. Ibn Abbas et Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma ont expliqué que Hadal Hassan wa Qatada et d'autres, ils ont fait le tafsir de Tilawa, Yakluna Kitab Allah, bi ma'na Ya'maluna bihi. Ya'maluna bihi. التفسير دون يتلون الكتاب سي يعملون به. دونك العمل يوصي الاتباع. Le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fadahwa. Tilawa, c'est ça. C'est pas que la lecture. C'est mettre en pratique et aussi donc suivre, bien sûr, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était comme ça qu'il était. Et c'est pour ça que lorsque les gens ont questionné Aïcha radhiallahu anha, an khuluq an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa ajabat hiya kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était le Coran. Mais maintenant, en vérité, revenez-vous au livre d'Allah. Revenez et méditez dessus, réfléchissez, voyez ce que ça veut dire, voyez ce que cela comprend comme orgue, interdiction et autres, et vous serez comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a pas dit qu'elle n'a pas dit, elle n'a pas commencé à énumérer. Elle n'a pas, Aïcha, elle n'a pas énuméré. Le prophète faisait ça, vis-à-vis de son comportement. Elle a dit qu'elle n'a pas dit le Coran. Donc, c'est-à-dire, reviens au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu veux savoir comment était le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en vérité, il n'y a pas meilleure phrase que cela. Le fait de dire qu'en vérité, c'était le Coran parfaitement. Le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas en vérité meilleure réponse que la réponse d'Aïcha radhiallahu anha vis-à-vis de cela. Et aussi, donc, le maître de Radio Mahmoud a dit que Kana Rajulu Minna Ida Ta'allama Ashra Ayatin La Ujawit Humna Hatta Yarifa Ma'ani Hinna Wal Amel Bihinna. Donc il dit, le maître de Radio Mahmoud, l'un d'entre nous, lorsqu'il apprenait 10 versets, il s'arrêta à cela, il ne les dépassait pas, jusqu'à ce qu'il connaisse son sens et qu'il le mette en application. Ashra Ayat. Ashra Ayat. يتعلم المعاني يعرف المعاني ويعلم بهن يعلم أو يعمل عفوا يعمل بهن donc يعرف المعاني ويعمل به donc bien sûr il va connaître l'essence et il va mettre en application. Vous prenez des pays asiatiques, enfin au Pakistan, enfin tous ces pays là, en Asie, même au Kurdistan, tous ces pays asiatiques, même la Russie, beaucoup d'enfants connaissent le Coran par cœur parce qu'il y a un madrasa sur le Coran. Lakin ils ne connaissent rien de ce que ça veut dire. Il y a un khair, parce qu'ils ont appris le Coran par cœur, il y a un akh parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. Anta tahmel shay, tahmel kenzun min kunuzillah subhanahu wa ta'ala, donc tu as un trésor parmi les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Farq entre celui qui connaît et celui qui ne connaît pas, il y a un grand savoir. Wasah, hafid wa knet ali alim. Donc il y a une différence, il va apprendre, mais en vérité il n'est pas savant. Et les compagnons ont compris. Ashra ayat, il y a ilm wa amal. Ashra ayat, ilm wa amal. Fahakada. Aussi, Abu Abdurrahman al-Sulami, rahimahullah, donc il disait, Haddathani alladhina kanu yaqraunana, annahum kanu yastakribuna min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le sahabi, donc il disait, donc c'est à dire qu'il dit que ceux qui nous ont appris, c'est-à-dire les compagnons du prophète, ceux qui nous ont enseigné le Coran, ils ont pris donc ce Coran, ils ont appris de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَكَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا عَشْرَ آيَاتٍ لَنُخَالِفُهُمْ حَتَّى يَعْمَلُوا بِهَا فِيهَا جِنِكُ فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلْ جَمِيعًا. Donc ils ont dit, lorsqu'ils apprenaient, ils apprenaient 10 versets, ils ne s'arrêtaient pas. Ils ne rajoutaient pas ces 10 versets de ce qu'ils avaient appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils s'arrêtaient à cela et ils apprenaient et ils mettaient en pratique ce qu'il y avait. Et nous, on a aussi appris le Coran comme ça. On a appris le Coran comme ça, de cette façon-là. Et on a appris en même temps l'acte. On a appris aussi à le mettre en pratique de la même façon. Donc il y avait ta'lim al-Quran et en même temps ta'lim al-amal en même temps. L'amal bi en même temps. Donc ça vient en même temps. C'est pas ta'lim al-Qur'an, et à côté il n'y a pas d'amal. Il n'y a pas, qu'est-ce que ça veut dire, comment on fait ceci, comment on fait cela. C'est en même temps. Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhuma, anna man kana qablakum, ra'u al-Qur'an wa rasa'il min rabbihim, fa kanu yatadabbarunaha bil-layli, wa yatafakkadunaha bil-nahar. Ce qui veut dire, donc Al-Hassan, ce compagnon juste qui est le fils d'Ali ibn Abi Talib, faire ce qui était avant vous, donc les compagnons du prophète, ils apprenaient, ils savaient que le Coran c'était donc une révélation d'Allah, de la part de leur Seigneur, et ils méditaient sur ce Coran la nuit, et ils recherchaient à comment le mettre en pratique la journée. Ils cherchaient ce qu'ils ont lu la nuit, la journée, ils cherchaient à savoir qu'est-ce que cela veut dire. Hier j'ai lu ça, ma ma'na, zalik. Donc ils allaient voir par le prophète, ben, ou bien même les compagnons qui avaient de la science dans ce domaine-là, et apprenaient comment, hein, qu'est-ce que ce qu'ils avaient lu la nuit voulait dire. C'est-à-dire qu'en vérité, ils ne laissaient pas de temps. Ils apprennent, c'est pour mettre en pratique. Ils ne laissent pas de temps. Quand ils disent ça la nuit, donc c'est même une parabole. C'est pas obligé que ce soit toujours la nuit qu'ils apprenaient et la journée qu'ils mettent en pratique. Mais bien maintenant, ils n'étaient pas en vérité entre cela. Ils apprennent et à côté, tout de suite, ils vont mettre en pratique. Ils vont mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Je retrouve aussi, bien sûr, énormément de contexte vis-à-vis des compagnons du prophète. Donc, Abu Hurayra rapporte, il dit, l'âme نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض. Donc c'est parce que lorsqu'il est venu, hein, وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. Regardez ce verset, si on le prend cru comme ça, Saad, hein, وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. C'est que si tu caches tes intérêts, Allah va te hasab. C'est ce qui est écrit. Là, ça, donc il dit bien, c'est à Allah ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a dans la terre. Et ce que vous montrez, hein, c'est ce que vous montrez, ce qu'il y a en vous-même, ou ce que vous cachez, Allah va vous juger sur cela. Enfin, on va être jugé de ce qu'on cache à l'intérieur. Hein. Après, il dit, فَيَغْفِلُوا لِمَنْ يَشَاءُ وَيَعَذِّبُوا مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ça a fait peur aux compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. فَأَتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يعني بَرَكُوا عَلَى رُكْبَ فَقَالُوا. Donc ils sont partis voir le prophète صلى الله عليه وسلم. Donc ils ont dit, يا رسول الله, يعني كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. Donc Allah nous a demandé de d'œuvrer de ce qu'on est capable de faire. Donc صلاة, صيام, جهاد, صدقة. وَقَدْ أَنْزَلَتْ عَلَيْنَا عَلَيْكَ يَنِي هَذِي الْآيَا وَلَا نُطِيقُهَا. Ce verset s'est défendu, on n'est pas capable de le faire. C'est-à-dire que si on pense à l'intérieur, ça peut être mauvais, on va être compté, donc c'est chaud. Parce qu'on peut très bien s'imaginer même de tuer. Donc tu t'imagines que tu as tué, et là, frère. Donc ils ont compris que c'est comme s'ils avaient tué. Là, c'est un exemple. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ كتابان من قبلكم سمعنا وعصينا. Voulez-vous dire, hein, que vous avez, donc ce que vous voulez dire par là, comme quoi vous allez dire, comme ont dit les gens du livre avant vous, Torah et Injil, سمعنا وعصينا, on entend et on désobéit. بل قولوا سمعنا وأطعنا. Et ils ont dit ça après. On voit que dans ce verset il y a ça. غفرانك ربنا وإليك المصير. Donc قالوا, donc ils ont dit, dites سمعنا وأطعنا. On a écouté, obéi. Ça, c'est halal ashab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète sallam, lorsqu'ils entendent, ils obéissent. Wa bid dalil al-khamar, lama, hein, nazat al-ayah, bid tahrim al-khamar. Kana hunak ba'd sahaba, Anas, kana huwa ladhi yasqi kibar sahaba. Anas est encore jeune, celui qui est en train de servir trois des grands compagnons. Et dès qu'ils ont su que le verre, il est dans les mains. Dès qu'ils ont su que c'était haram, ils l'ont lâché. Ils n'ont pas dit, je termine le verre et je le lâche. Ça, maintenant, ils ne vont pas dire ça. D'accord, c'est bon, je termine, j'arrête tout de suite. Là, ils ont lâché. Ils étaient comme ça. Sami'na wa ata'na. Donc, ça, c'est l'exemple des compagnons du prophète. Hein? Dakulu, sami'na wa ata'na, rufrana karabana wa alayka al-masir. Donc, ils ont dit ça. Hein? Falamma, ikhtara'aha al-qawm, zalit, yani zalit biha, al-sinatuhum, fa'anzala Allahu fi isriha. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخ الله سبحانه وتعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Donc ce verset est venu pour effacer, pour abroger, hein, ce qu'on a dit auparavant. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. Il est venu l'effacer, نسخ. Parce que là, donc là c'est mansour, wahad al-nasikh. Ce que tu penses, tu ne seras pas jugé de ce que tu penses intérieurement. Parce que si c'était juste sur le disque du prophète Allah, ça serait bien sûr mal pour nous. Ça serait mal, parce que nos pensées, elles, facilement, elles peuvent justement dégénérer. Elles peuvent largement dégénérer. Donc, Dalil, ils ont entendu, ça c'est par rapport à quoi lorsqu'on parle de ça? On parle de ça comme quoi ils veulent mettre en pratique, ils ont appris ça, ils ne laissent pas passer. C'est pas, normalement le Coran c'est pas hajar, il y a un verset que je ne comprends pas, je le laisse. Je n'ai pas compris ça. Donc, alhamdoulilah, tu n'as pas compris ça, c'est la première étape. Tu dis, c'est comment tu réfléchis parce que tu dis j'ai pas compris. La tafrif, il a had al-had. Ne t'arrête pas à ça. Dis maintenant, je vais savoir ce que ça veut dire. Comme minna, des fois on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on l'aide. Et que tu es des années après, on dit, j'ai toujours voulu savoir ce que ça veut dire, mais sans faire attention. Combien de fois ça peut nous arriver? En vérité, dès que tu ne sais pas, va tout de suite rechercher le qu'est-ce qu'en fait, ce que ça veut dire. Tu enlèves quelque chose qui est en vérité, l'ignorance qui reste en toi. Enlève-le, et c'est un réel pour toi. L'NBI, Afdal min al-Jalbi. La science de la chose que tu ne connaissais pas est bien meilleure que l'ignorance de cela. Il y a un alim, parmi les anciens, il a dit que le jour de ma mort, j'apprendrai l'héritage, comment on fait l'héritage en islam. Donc, si j'apprends le jour de ma mort, c'est mieux que si je n'apprends pas. Comme quoi, quand on a été tant que, atazawad min al-ilm. C'est pour ça que le prophète waqul rabbi, zidni ilma. Le prophète il a demandé, la seule chose qu'elle a demandé en ziyada, c'est l'ilm. C'est pour ça que c'est important. Donc, on voit, par rapport à ça, comment ils étaient les compagnons du prophète. Mais la même chose, lorsqu'il y a eu un verset, lorsqu'on leur dit, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous ne goûterez pas, vous n'allez pas acquérir donc le degré de piété jusqu'à ce que vous donniez de ce que vous aimez. فقام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي يلي بيرها وإنها صدقة لله أرجو يلي برها وذكرها عند الله سبحانه وتعالى فضعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بح ذلك من رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في أقرب فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقربه وبني عمه. Donc c'est quoi? Ce compagnon Abu Talha, donc quand il a lu ça, il a donné, donc il a demandé au prophète par rapport à ce verset, et il a donné en vérité, donc il avait justement, donc c'était le Berhou, c'est Allah en fait. Donc il dit que c'est ça, il a décidé d'en faire un salaka pour Allah, donc quelque chose qu'il aimait énormément, il a décidé d'en faire un salaka pour Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit bah. Et bah, lorsque tu entends bah, ou bien bah, c'est une kalima que l'arabe disait, fiché, elle a dit, ta'ajabun fi, le hibbun hadha. S'ils aiment quelque chose, ils disaient bah, bah. Les compagnons du prophète, ils disent beaucoup. On l'a déjà vu dans un hadith auparavant. Et il dit, ça c'est même rabih, ça c'est l'argent, donc tu as un bon gain. Et il lui demande de quoi? De donner cette chose-là à tes proches. Tunfiq, mimma tuhibbun. Mais à qui? Là, tu commences toujours par la famille, akrabin. Donc il a donné, bien sûr, à ses proches et aux enfants de ses cousins. Abna Ammi. C'est-à-dire, en vérité, le prophète veut dire que si tu vas commencer à donner en vérité de ce que tu aimes, imagine les meilleures choses que tu as aux personnes étrangères, ta famille, tu vas les laisser pauvres. Donc en vérité, c'est pour ça qu'il est demandé de ne pas dépasser un tiers. Il est demandé que si tu as décidé de faire une wasiya, de tes biens, tu as décidé de donner beaucoup, ne dépasse pas un tiers. Afin de laisser deux tiers pour ta famille, pour que eux, tu ne les laisses pas dans la pauvreté. Donc tu commences dans la sadaqa, bien sûr, par les proches, l'akrabim, par la famille, les proches. Et après, tu vas donner par rapport à ceux qui seront un peu plus loin. Mais la famille, elle passe avant. Et aussi, donc, Ibn Omar a dit que Omar, donc, un asaba, il dit, bikhayban ardan, fa'atan nabiya sallallahu alayhi wa sallam, faqal, asabtu ardan, lam osib yani mal al-qat. يعني أنفت منه فكيف تأمرون به كيف تأمرون به donc il dit Omar رضي الله عنه j'ai dans Khaybar lorsque l'on a fait Khaybar qui est à 150 km de Médine à peu près ou dans le nord de Médine, c'est une terre qui est en plus mashallah beaucoup de palmiers, beaucoup de dattes, Hein, Tamar et Khaybar, Marufa. Donc les dates de Khaybar, elles sont connues. C'est comme les dates de Médine, elles sont aussi bonnes. Et dit, et j'ai reçu donc des biens, donc sûrement, on leur a fait sûrement des dates, parce que c'est ça qui était connu là-bas. J'ai reçu des biens, j'ai jamais eu des biens, c'est-à-dire aussi chers que cela, aussi meilleurs que cela. Et il dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Tu m'ordonnes de quoi? Que dois-je faire avec? Donc il dit, fa ma tamuruni, hein. Il dit, fa kaifa tamuruni bi. Fa il dit, in shitta hadith, yani aslaha, wa tasaddaq, yani tasaddaq tabiha. Il dit, si tu veux, non, si tu veux, après, tu fais, donc, tu fais le, un waqf, c'est-à-dire, ou bien tu fais une sadaqa dessus. Ou bien, tu après, et tu fais une sadaqa dessus. Si tu veux, tu en fais une sadaqa. On voit que le prophète lui a dit, si tu veux, fais sadaqa. C'est-à-dire qu'en vérité, le prophète, on remarque bien quoi? Il ne l'a pas. Ça, c'est toujours par rapport au même verset. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit pas, garde. C'est de la dunya garde. Et en vérité, là, tu veux faire du khayr, parce qu'il dit, vas-y, donne. Exprès pour tout ça, faire des hasanat. Ça, il ne va pas dire maintenant, hein, garde maintenant. Il lui dit, si tu veux, donne. Enfin, en vérité, de le pousser à quoi? Vers le bien. Le prophète il pousse toujours à faire plus. À faire le maximum de bien. Hein, justement, par rapport à, et surtout par rapport à la sadaqa. Donc, on voit que beaucoup de compagnons, lorsqu'ils ont vu que réellement vous n'avez pas atteint le niveau de piété, jusqu'à ce que vous donnez de ce que vous aimez, ça a fait réfléchir plusieurs, parce qu'il y a encore d'autres histoires. Ça a fait réfléchir plusieurs compagnons du prophète, ce verset. Parce qu'ils ont envie d'avoir le bir. Ils ont envie d'atteindre le niveau du bir dans la Sainte-Allah. Donc regardez comment ils étaient. Ils étaient à ce niveau-là. Et il y a bien sûr encore plusieurs histoires par rapport à cela. Il y a encore plusieurs histoires par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce qui nous est obligé nous de faire, hein? Gawajib ou non, yani tija, le Coran. Donc normalement, Abdelhel, nous avons une ansiha de Kitab Allah Azza wa Jal, c'est bien sûr que normalement les gens, hein, doivent le lire énormément, réfléchir, le méditer, et aussi mettre en pratique, bien sûr, mettre en valeur et mettre en pratique ce livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de la façon qu'on voit justement, comme le dit sallallahu alayhi wa sallam, « Dîn al-nasiha » فَقَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي بِيَدُّ الْكَبَدِي لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَالنَّسِحَ لِكِتَابِ اللَّهِ. C'est justement le fait de le lire, le fait d'y réfléchir, d'y méditer, le fait de le mettre en application, le fait de l'apprendre, le fait de l'enseigner à autrui. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux d'être, en vérité, d'être proche. En vérité, c'est-à-dire d'être proche, karim, le Coran. C'est ce que ça veut dire. D'être proche de ce livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et vis-à-vis de ça, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkara ulul albab » Donc on a vu auparavant ce verset, donc le livre que nous avons défendu vers toi, béni, afin et aussi afin qu'il médite sur ces signes, sur ces versets, et qu'il réfléchisse qui? Ceux qui sont doués de raison. Ulul albab, Allah les a appelés. Donc le Hassan al-Basri, rahmallah, il vient « Tadabbaru ayatihi ittiba'uha » Tadabbaru ayat, Hassan al-Basri, rahmallah, il dit « Suivre les livres, hein, donc ce livre, qu'est-ce que ça veut dire? Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alladhina atainahum al-kitab yatuna haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Ceux dont nous avons donné le livre, donc ils le récitent de la vraie façon, ils le récitent comme cela se mérite, ce sont eux les réels croyants. Et Ibn Mas'ud, Ibn Abbas Kazalik, radiallahu anhumah, donc ils disent yattabi'unaha haqqa tiba'ihi. Ils le suivent d'un vrai suivi, donc d'un suivi qui est réel. C'est-à-dire qu'en vérité, ils vont suivre ce Coran de ce qui est donc d'un vrai suivi. C'est-à-dire qu'ils vont rendre halal ce qui est halal, ils vont rendre haram ce qui est haram, ils vont donner les droits à qui de droit et à qui de droit. Donc ils vont, s'ils vont voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle qu'il a une main et que ceux-ci vont accepter comme il le faut. Ils vont pas venir, changer, ils vont pas venir altérer l'essence, ils vont respecter l'essence comme ils le sont. Il a créé les. Et en plus, lorsque ceux justement qui n'écoutent, ceux qui ne mettent pas en pratique donc ce Coran, parce qu'on a dit Afalat Dabbarun al Quran Am ala Kurubin Af Kafaluha, donc il dit Shankiti Rahmullah, لا يتأدبون بأدبه ولا يتخلقون بها فيه من مكارم الأخلاق، ويطلبون الأحكام في تشريعات الضالة المخالفة له غير يعني مختلفين بقول ربهم ومن لا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Donc il dit, l'imam Shankiti rahmallah, vis-à-vis de lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne vont-ils pas méditer hein, sur le Coran ou leurs cœurs sont-ils scellés? Il dit c'est-à-dire qu'ils ne se comportent pas, hein, ou bien qu'ils ne respectent pas le Coran comme il le faut, dans le sens, ils ne se comportent pas plutôt du comportement du Coran. Donc ils ne vont pas se comporter du comportement du Coran. C'est-à-dire en y prenant, en y ressortant, bien sûr, les nobles comportements, et ils vont rechercher les lois qui sont autres et qui sont contraires aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, il dit bien, donc celui qui ne juge pas sur ce dont Allah a descendu, ce sont eux, bien sûr, les mécréants. Donc c'est comme ça qu'il faut appeler par rapport au adab du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de prendre, donc bien sûr de profiter et de mettre en œuvre et en pratique ce que l'on retrouve vis-à-vis des bons comportements, hein, vis-à-vis des nobles comportements, et aussi vis-à-vis des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui ont été descendus. Et pourquoi après nous maintenant, de façon générale, hein, on délaisse le Coran? Pourquoi on délaisse le Coran actuellement? Pourquoi on n'est pas comme était nos anciens, pourquoi on n'était pas comme étaient nos grands-pères, hein, nos aïeuls, ceux qui étaient avant nous? Pourquoi? Parce que bien sûr, parmi les causes les plus importantes, c'est du fait que notre foi baisse énormément. Hein? C'est que notre foi baisse. Et Ibn Omar disait, radiallahu anhuma, wa inna ahadana yutim iman qabla al-Qur'an, car hein, c'est-à-dire, nous, c'est-à-dire chacun d'entre nous, recevait, hein, ou allait rechercher l'imam, la foi, avant le Coran. Donc il recherchait à avoir la foi en Allah, avant bien sûr d'être mafim, avant mafim d'apprendre le Coran. وَهُوَ الْإِمَنْ بِأَنَّ الْقُرْآنَ إِنَّمَا أُنْزِلَ لِتَدَبُّرِ الْآيَةِ وَالْعَمَلْ بِهِ. C'est-à-dire que l'imam, il est dans le Coran. Donc le problème, c'est pas dissocié. Ça reste toujours associé. Hein. On ne peut pas les dissocier en vérité. C'est indissociable. Mais le peu qu'ils apprennent, ils le mettent en pratique. Et ainsi de suite. Donc ils ne cherchaient pas à prendre le Coran par cœur sans y comprendre. Ils apprennent un peu, ils comprennent, ils le mettent en pratique. C'est ce que ça veut dire. C'est cela que ça veut dire. Et en plus, certains ulama disent vis-à-vis de cette parole que c'est aussi parce qu'ils apprenaient le tawhid. Ils apprenaient qui est Allah ce matin. Le tawhid, c'est quoi? C'est qui est Allah? Qui est Allah? Comment? Divisant, donc c'est composé en trois. La composante, elle va être donc connaître Allah, ses noms, ses qualités, ses attributs, qu'est-ce que ça veut dire Rafou, qu'est-ce que ça veut dire Rahim, il a khiri, ainsi que ses actes, qu'est-ce que Allah fait, hein, le fait qu'il descend la pluie, celui qui donne la vie, celui qui la reprend, et aussi donc son adoration, ce qu'on appelle alors. Donc son adoration, pour moi, c'est nos actes à nous, c'est les actes des serviteurs. Comment on doit adorer Allah, hein, sincère, bien sûr, dans ce culte. Donc celui qui a compris ça, justement, il ira bi'idhnillah réussi, bi'idhnillah azza wa jal. Donc voici comment on doit en vérité être vis-à-vis du comportement du Coran. Et Ibn Omar dit aussi toujours, wa tanzilu surah ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, fa nata'allamu halalaha wa haramaha wa ma yanbaghi an naqifa 'indahu minha. Donc une sourate descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on apprenait de cette sourate donc le halal et le haram, le licite et l'illicite, et ce qui nous était donc recommandé de s'arrêter dessus. Donc des fois il y a des adab, il y a des comportements, il y a des droits d'Allah, il y a des droits des serviteurs, il y a des obligations, il y a des personnels, il y a plein de choses comme ça. Et aussi Abu Abd al-Rahman Sulami rahmallah, il dit, donc on l'avait vu, ça c'est le verset qu'on a vu auparavant. Hein, lorsqu'il a dit que c'était justement, donc, il a appris chez les compagnons du prophète, il a dit donc ceux qui m'ont appris, hein, et c'était ceux qui l'ont appris du prophète, et ils apprenaient 10 versets et ne dépassaient pas ces 10 versets jusqu'à ce qu'ils le mettent en pratique, jusqu'à ce qu'ils mettaient bien sûr ces versets en pratique. Donc si nous on ne fait pas ça, ça veut dire qu'en vérité si on ne fait pas exactement la méthode Hein? Exactement, ou bien même on se rapproche. Si c'est pas 10, c'est 9, c'est 8, c'est 12. Mais ça reste, alhamdoulilah, c'est un tartib. C'est en vérité un ordre. C'est en vérité, donc c'est déjà réglé. Hein? C'est organisé. Alhamdoulilah, ça a été organisé de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdoulilah, il n'y a pas mieux que ça. On a quelqu'un qui nous organise. On accepterait de quelqu'un dont on a confiance qui nous organise cela. Alors pourquoi pas de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a organisé ce livre. On apprend les versets, on veut savoir ce que ça veut dire. On a laissé ça, on a tout. On met en pratique, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Le chemin sera plus long par rapport à Hajj, mais c'est pas grave. C'est pas ce qui est demandé, chemin court ou long. Ce qui compte, c'est que tu vas arriver à Hajj au but réel. En vérité, qu'est-ce que tu vas arriver, bien sûr, au but réel. Donc voici à Hajj le fait de délaisser en vérité exactement le tartib, hein, et donc les règles, et les façons de faire et l'organisation des compagnons du prophète, radhiyallahu anhu. Donc on a vu les causes. Maintenant, bien sûr, comment revenir à ça? On sait bien que l'imam Malik dit, rahmallah, innahu la yasluh min akhir hadhihi al-umma illa ma asluha bihi awwalaha. C'est-à-dire que cette communauté ne va pas s'arranger, hein, cette dernière communauté, c'est-à-dire nous, maintenant, notre siècle, nous les vivants, parmi les musulmans, on ne va pas réussir à s'arranger que si on s'arrange de la même façon que se sont arrangés les premiers, les compagnons du prophète. Et ça, c'est l'imam Malik qui dit ça. Ça, c'est l'imam Malik. Quand il dit akhir, donc tout ce qui vient après lui, Abdelhal. Donc, nous, par exemple, c'est nous les derniers. Il y aura des gens après nous. Et ainsi, c'est en vérité. C'est-à-dire que ce qu'ont fait les compagnons du prophète, c'est valable pour tout le monde. C'est valable jusque le dernier. C'est valable jusque celui qui va vivre 25 minutes avant le jour dernier, l'imam Qiyamah. C'est valable pour tout le monde. Ça, c'est une parole de l'imam Malik, rahmallah. Pour montrer que Tariqa, hein, Tariqa Sahaba, donc c'est justement Tariqa Sahaba. Comme quoi que la tariqa des compagnons du prophète, c'est une voie en vérité qui est réelle, qui est en vérité véridique et bonne à prendre. Et c'est pour ça qu'il faut, après, les prendre en exemple dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rabbi dit, si bas, tu fais ce que tu veux. Hein? C'est toi le mécanicien, c'est toi, c'est sûr, tu n'as pas vu de revenir aux compagnons, tu n'as rien à voir. Mais dans ton adoration, comment y prier? Parce que c'était les meilleurs dans la prière. Et puis Allah, il dit bien que si... Hein, vous faites ce qu'ils ont. Donc si vous êtes guidés comme ils sont, donc si vous faites ce qu'ils ont fait, vous serez guidés. Donc si vous êtes comme ils sont, vous serez bien sûr guidés. Donc il faut appeler justement revenir à eux. Et parmi cela, bien sûr, automatiquement, il va falloir revenir à une chose qui est importante, c'est revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tawba nasuha. Tu veux vraiment appliquer la religion, donc reviens à Allah subhanahu wa ta'ala et éloigne-toi des péchés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu vas bien sûr demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon de ce que tu fais comme péché. Et t'éloigner, hein, des mavalim, c'est-à-dire des injustices que tu commets vis-à-vis de tes amis, vis-à-vis de tes proches, vis-à-vis de ta famille en premier lieu, la khéli. Donc c'est comme ça. Parce que Ibn Jama'a, rahmallah, il disait « Tawba, awwal adab al-talib al-ilm ». Voilà ce qu'il dit. Il dit la tawba, c'est le premier comportement, enfin, hein, du talib al-ilm, de l'étudiant en religion. C'est le premier comportement à avoir. Rahmallah. Donc il dit ça. Parce qu'il a en vérité énuméré plusieurs, justement, pour, caractéristiques du talib al-ilm. Et il a dit la première caractéristique, c'est tawba. Et donc aussi, bien sûr, déjà, c'est-à-dire lorsqu'il dit, donc il va nettoyer son cœur de tout déchet. Hein, il va nettoyer son cœur de tout défaut, tout manquement, tout déchet. Donc il va enlever la hantise. Il va enlever la jalousie, hein, il va enlever la dureté qui est dans son cœur, il va enlever tout ça. T'apprends pas pour être le meilleur, t'apprends pas pour qu'il y ait toi qui parle. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, si il t'a donné par l'intelligence, il a donné à des gens bien plus intelligents que toi. Non, et celui qui est plus encore d'autres, et ça s'arrêtera jamais. On sait comme ça. Donc ne cherche pas à dire je suis promis, je suis le dernier. Rêve. Ça c'est pas la peine de croire que ça n'existe pas. Alors il y a des sélections, c'est toi, il y aura des sélections que tout le monde soit bête sur toi. Ça, c'est pas possible. Ça, bien sûr, c'est impossible. Donc déjà, enlève cette jalousie, cette hantise. Alhamdulillah, plus il y aura de frères qui vont faire da'wah, et plus on sera content. Plus il y aura un chrétien, comme je viens de dire à ce moment-là, plus il y a des douates dans un pays, plus le pays est bien. Ça, si maintenant dans ce pays, vous avez 5 ou 10 ou 15 qui sont capables, machallah, de faire autre chose de l'os. C'est qu'un chrétien pour vous, vous savez à qui vous posez des questions sur ceci ou ceci. C'est un grand chrétien. C'est-à-dire s'il n'y a personne, on remarque le vide. C'est vrai ou pas? On le remarque. Donc on est content de savoir que, alhamdoulilah, il y a des frères qu'Allah a donné d'un sens et qu'ils font profiter les autres. C'est pas qu'on demande. Et au contraire, on encourage. On n'est pas jaloux. On enlève ça. Donc il ne faut pas se mettre comme ça. Donc il faut bien sûr enlever cette jalousie, cette hantise. Et il faut avoir dans son cœur celui qui aime, qui accepte la science, hein, de leur accepte la science, qui cherche à rechercher, qui cherche justement à quoi, à connaître en réalité les sujets dans la religion. Et bien sûr, ils disent aussi, maintenant, par rapport à ça, c'est qu'il faut, ben, ce matin, parmi ça, donc il faut bien adorer avoir ce matin-là. Donc il faut maintenant bien beaucoup prier. La prière, elle va t'aider dans cela. La salat, donc ça va, elle, t'aider. Donc il montre que la salat, elle va t'aider, parce que la salat, déjà, donc ça purifie, elle va t'enlever tes péchés, elle va te faire monter en degré, elle va t'aider dans cette pratique de l'adoration. Donc il te demande de te. Et en même temps, lorsqu'il parle de salat, ils font aussi une sorte de comparaison, c'est-à-dire de problème, avec la salat, dans le sens où la prière te purifie, comme problème, tu dois purifier aussi de tes péchés, hein, de tes défauts, donc la salat t'enlève, parce que tu fais des ablutions, tu te purifies avant de prier, et donc la même chose, avant de problème, enlève déjà les défauts que tu as, parce que tu as des défauts, surtout vis-à-vis des humains, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de tes contemporains, donc tu ne vas pas, justement, en vérité, réussir. Parce que tu vas vouloir être seul, tu vas commencer à dénigrer celui, à rabaisser l'autre, donc tu ne vas pas t'arranger. Donc déjà, enlève cette jalousie, cette hantise, le vouloir d'être le seul, soi-disant, hein, à faire d'avoir. Donc enlève déjà ça dès le départ, parce que sinon tu ne vas jamais réussir. Ça, c'est parmi, justement, les choses qui barrent le plus la route. D'abord, c'est si tu barres, on va être même en premier la route, justement, de ça, parce que c'est clair que l'ikhlas, ça va être touché. L'intention sincère, elle va être justement touchée. Et aussi, donc le fait d'enlever justement cela, hein, de son cœur, car le prophète a bien dit qu'il n'a fait jazadi mudra, hein, ida saluha jasad kullu, ou ida fasad al jasad kullu, ala wahya al qalb. Donc certes, il y a donc un morceau de chair, hein, dans le corps, et si ce morceau de chair est bien arrangé, donc il est bien, le corps entier sera bien, et s'il est mauvais, donc le corps entier sera mauvais. N'est-ce pas que ce morceau est le cœur? Donc il faut purifier son cœur, sinon le reste ne va pas aller, il ne va pas suivre. Et aussi Sa'd ibn Abdullah al-Tastouri dit « Haramun ala qalbin an yudkhilahu an-nur wa fihi shay' mimma yakrahu Allah azza wa jalla. » Donc il est interdit pour le cœur, c'est « Haramun », donc il est interdit pour le cœur de lui entrer de la lumière, c'est-à-dire le « ilm », alors que dans ce cœur-là, il y a des choses dont Allah déteste. Il y a des choses, une ou des choses, qui sont détestées de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le même Shafi'i, il cite une poésie, donc il cite quelques vers vis-à-vis justement des péchés. Lorsqu'il a dit Shakautu ila Waqiri su ahibbi. Donc je me suis plaint auprès de Waqir, qui est son chef, hein, de mon mauvais apprentissage, c'est-à-dire que je n'apprends pas par cœur. Pourtant, c'était juste parce qu'il avait juste vu quoi? Donc le moulet d'une femme. Il a juste vu. Hein, le mollet d'une femme qui l'a empêché d'apprendre pendant 8 jours. Regardez, juste vu le mollet d'une femme, ça l'a dérangé pendant 8 jours. Il a parlé à Waqir de ça. Il a dit, il s'est plaint auprès de Waqir de sa mauvaise, son mauvais apprentissage juste pendant un petit moment de sa vie, 8 jours. Fa arshadani, il a tarqué le ma'asi tout de suite. Il a compris, regardez le savant, l'intelligent. Il lui a montré de délaisser les péchés. C'est juste le fait d'avoir vu le mollet d'une femme. Il a dit, tout de suite le savant a compris, hein, d'où vient, on va laisser ce manque. Il sait qu'en face de lui, il connaît. Il sait qu'en face de lui, c'est le même Shafi'i, c'est pas n'importe qui, hein, c'est sûrement son meilleur élève, le savant sait à qui il a affaire à ce moment-là. Waqala a'lamu bi anna al-ilma nurun. Il lui dit, sache que certes la science est une lumière. Wa nurullah la yutahu a'ati. Certes, le a'ati. Certes, la lumière d'Allah ne le donne pas à celui qui commet des péchés. Allah ne donne pas sa lumière à celui qui commet des péchés. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'aide. Donc c'est bien qu'il faut craindre Allah pour que Allah t'enseigne. Tu crains Allah afin que Allah t'enseigne. Aussi, toujours par rapport à ça, toujours par rapport au fait qu'est-ce qui va te pousser justement à t'accrocher au livre d'Allah pour un talent, c'est que tu vas ressentir après cela que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit maintenant, ya yuha alladina amanu, hatta ya yuha alnas, c'est que toi tu es muhatam. Donc tu es quoi? Tu es visé. Allah te parle. En ce moment-là, c'est que lorsqu'Allah dit ya yuha alladina amanu, c'est pas pour les gens, c'est pour toi. C'est pas juste pour une récitation. à ce moment-là, tu dois prêter l'oreille. Tu vas faire attention. Il y a eu Hannah, donc c'est général, c'est pour tout le monde. Mais il y a eu Haladina Amanou, à ce moment-là, ça sera encore plus spécifique, et là, tu vas encore plus prêter attention. Parce que ça y est, tu es rentré dans la foi. Tu es croyant, tu es musulman. Tu as décidé d'être croyant, classe. Donc tu as choisi ta voie. Donc tu vas, justement, encore plus prêter attention. Donc il faut être comme ça. C'est pour ça qu'il dit le Mesoud. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك فإما خيرا يعني تؤمر به أو شرا تنهى عنه. Si tu entends يا أيها الذين آمنوا, donc y prête l'oreille, prête-y donc attention, car si c'est un bien, tu seras ordonné de ce bien, et si c'est un mal, tu seras interdit de ce mal. Donc c'est que du khair pour toi, ou bien ou mal. Le bien, tu y vas, tu le prends, et le mal, tu le délaisses, tu t'en éloignes. Le Hassan ibn Ali, radhiallahu anhu, dit Inna man kana qablakum, rawat, donc on a dit auparavant cette parole, rawat al Quran, rafa'il min rabbihim, fakanu yatadabbarunaha billayli, wa yatafaqadunaha bin nahar. Donc, certes, ceux qui étaient avant vous savaient que le Coran, c'était donc, bien sûr, donc des messages de la part de leur Seigneur. Donc, c'est des messages de la part de leur Seigneur. Maintenant, un temps, tu reçois des messages. Imagine, en morceaux. Aujourd'hui, tu reçois un message. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas le lire attentivement. Tu vas y prêter attention. Maintenant, si c'était ton chef, ton gouverneur, ça alors. Ne serait-ce que ton chef d'équipe, il te donne ton mot d'ordre de la journée. C'est un exemple. Hein? Ton mot d'ordre. Aujourd'hui, tu dois faire ça, l'usine. Tu vas bien respecter, tu vas oser. Et Allah, il t'envoie ses messages aussi. Allah, il t'envoie à chaque fois, ou si il y en a, il voyait que c'était comme si c'était donc, il reçoit ces messages-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Que doit-on faire? Afin de mettre, et justement, selon l'application. Donc, ils y réfléchissaient, donc ils y méditaient, la nuit, afin de rechercher ce que ça veut dire, afin de rechercher comment ils vont mettre en application dans la journée. Comme on voit, comme on a dit auparavant, hein, ils mettent tout en pratique, ils allient, ils ne délaissent pas, ils ne vont pas laisser un longtemps. Hein, c'est une façon de parler lorsqu'on dit, ils le disent dans la nuit, et qui, c'est une façon de parler parce que de façon générale, ils faisaient énormément qu'un bel. Donc, c'était surtout la nuit qui récitait le Coran. C'est pour ça que c'est venu ça. En réalité, c'est venu, comme on dit, kharaja makhraj al-gharib. Dans le sens, c'est venu de façon habituelle. La majorité du temps, c'était la nuit qu'on pouvait lire le Coran. Le plus, la journée s'occupait, alors, ils vaquent à leur occupation, mais la nuit, ils le faisaient qiyam al-layl. Énormément. Dans la nuit, ils vont chercher à savoir et à mettre en application ce qu'ils ont lu justement cette nuit. Et même par jour, donc, il dit bien que le croyant qui est doué de raison, lorsqu'il lit le Coran, donc, il prend ce Coran comme si c'était un miroir. Il fait de ce Coran un miroir. Et donc, il voit que justement, il regarde ce Coran, c'est un miroir. Est-ce que lui, il ressemble à ce qu'il a dans ce Coran? Donc, il le prend en vérité en tant que testeur de sa vie. Est-ce que ce Coran, en vérité, est en contradiction ou bien plutôt en conformité avec ce qu'il fait dans la journée, avec ce qu'il fait, je veux dire, dans, comme adoration. Donc si c'est un bien, alhamdoulilah, si c'est un mal à ce moment-là, bien sûr, il va justement se redresser, il va revenir, donc il va se réajuster, afin de revenir à la voie qui est droite. Donc c'est comme ça qu'il faisait. Et Ibn Qayyim dit, rahmallah, إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته والسماع وأرقى سمعك وحده حضور يخاطبه من تكلم به سبحانه منه إليه فإنه خاطب منه لك خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc regardez ce qu'il dit, Ibn Qayyim rahimahullah. Si tu veux profiter du Coran, rejoins, fajma, donc rassemble ton cœur lorsque tu le lis, lorsque tu le récites et lorsque tu l'écoutes, et vraiment donc prête totalement l'oreille et aussi sois totalement donc présent. Donc soit en vérité concentré, hein, soit humble, soit concentré, et soit en vérité totalement présent dans justement dans cet acte-là, hein, car justement celui qui te parle, hein, soit en vérité présent comme si tu es l'écouteur, tu es celui qui écoute, celui qui est en train de te parler. Donc celui qui te parle, qui est Subhanahu wa ta'ala, qui est Allah, car c'est bien sûr un khitab minhu, c'est une parole de la part d'Allah Subhanahu wa ta'ala pour toi, dans la langue, c'est-à-dire à travers bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, c'est que il faut que tu dois justement ressentir, tu dois penser comment il a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va t'aider. Tu vas ressentir aussi comment il a été bien sûr descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu vas justement voir. Et même Saadi dit par rapport à ça, يعني فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه. Parce que tu vois, c'est-à-dire lorsque tu vois comment les versets sont descendus, avec la science de savoir comment ils ont été descendus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Tlamil Nuzul, et dans quelle situation, et qui était maintenant, qui était là, et pourquoi. Et là, lorsque tu connais un peu, lorsque tu as la science de ce domaine-là, en connaissance de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, et aussi ceux qui étaient ennemis du prophète au moment de la descente de ces versets, c'est ce qui va, min a'damu ma'yu'an yu'aynu, à la ma'rifati'i, wa fermin murad minu. C'est-à-dire, c'est ce qui va. C'est parmi les façons qui vont plus t'aider à connaître et à comprendre ce qu'Allah s'en fait à vous dire par rapport à cela. Parce que tu connais avec l'Estra ben Nuzul de la Khalid. Aussi, donc, Sayyid Rahmanullah, il dit que bien que les versets coraniques ne se comprennent pas hein, réellement, c'est-à-dire en ne connaissant que l'arabe. Tu connais que l'arabe, tu connais l'arabe, tu lis. Ça ne suffit pas. Tu vas comprendre, on va dire. Légèrement, ou bien succinctement, ou bien globalement, le sens, hein, avec le ma'an le raoui, en plus même, tu peux même te tromper. Mais simplement, tu comprends, premièrement, avant toute chose, hein, en connaissant justement, non, bien sûr, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment s'est défendu la crise, comment en vérité était la situation en ce moment-là. Donc tu dois connaître, il y a d'autres paramètres, c'est pas juste le mot qui est écrit en lui-même, le mot en arabe, juste cela. Juste parce que tu connais l'arabe, tu crois que ça y est, tu auras tout compris. Là, il faut que tu connaisses aussi en vérité pourquoi c'est descendu, sur qui il a créé. Donc il y a des situations, il y a des choses à savoir. Et c'est ça. Donc tu dois connaître le waqi' en vérité. Tu dois connaître en vérité donc la réalité des choses. Tu dois connaître en vérité donc la réalité des choses. Donc là, bien sûr, j'ai lu succinctement. Quatrièmement, c'est que lorsque tu lis le Coran, donc tu dois bien sûr être concentré. Donc ton cœur doit être bien sûr vide de toute autre chose. Tu dois être concentré afin de réfléchir bien sûr sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit Inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalb aw alqa sam'a wa huwa shahid. Donc certes, il y a dans cela un rappel pour celui qui a un cœur ou qui écoute alors qu'il est témoin. Donc il faut que tu sois en vérité shahid. Tu peux très bien être présent sans être réellement shahid parce que tu vas être peut-être déconcentré, tu vas être ailleurs. Tu sais bien que ça peut t'arriver des fois, maintenant dans un dars ou dans la khutbah, de partir. Non, ailleurs, et que ça tout t'as raté peut-être 2 minutes, 5 minutes de ce qu'il a dit l'autre, parce qu'en réalité tu étais en train de penser à autre chose, voire même presque tu n'as même plus entendu ce qu'il a dit, tellement tu étais concentré dans autre chose, tu sais même plus ce qu'il a dit, tu sais même des fois même plus ce qu'il a dit. Donc c'est pour ça qu'il faut en réalité être totalement concentré. Et Ibn Qutayba donc il dit Ay istama'a kitab Allah wa huwa shahidul qalbi wal fahm laysa bighafil wa la sah. Donc il dit Ibn Qutayba rahmallah, il écoute donc le livre d'Allah ce matin et il est témoin, donc son cœur est vraiment témoin, c'est-à-dire qu'il écoute. Il est totalement concentré, bien sûr, et il comprend, et il n'est pas donc insouciant, il n'est pas distrait. Il ne va pas être ni insouciant ni distrait. Donc il va pas être en vérité celui qui ne prête pas attention, inattentif. Cinquième point, al-isti'ana billahi tabaraka wa ta'ala, fi tahqiqi dhalika. Le fait de demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala afin d'acquérir cela. Et ça, c'est l'isti'ana, tu le retrouves partout dans la religion. Tu n'arrives pas à t'en sortir sans l'isti'ana. C'est pour ça, hein, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Lorsque tu as décidé, lorsque tu as la volonté forte, donc remets-toi à Allah. يَكَنْ عَبُدُوا وَيَكَنْ أَسْتَعِيدُ. Les ulama ont dit que l'ibada c'est la moitié de la religion et l'isti'ana c'est l'autre moitié de la religion. Parce qu'il faut l'isti'ana. L'isti'ana c'est une wasila. L'ibada c'est une ghaya. L'isti'ana, le fait de t'en remettre à Allah, c'est une wasila, c'est un moyen d'arriver à l'ibada. Si tu n'es pas fort dans le fait que tu t'en remets à Allah, ce ne sera pas pendant l'ibada. L'isti'ana billah subhanahu wa ta'ala, anta tasta'in billah. C'est pour ça que tu dis, donc c'est pour ça que tu dis déjà dans le Fatiha. L'isti'ana subhanahu wa ta'ala, elle est mentionnée dans le Fatiha. C'est pas pour rien. Tellement elle est importante. Le Fatiha, cette sourate que tu récites tout le temps, elle est dedans. Yakan abudu wa yakan asta'in. Et rien que ce verset, déjà il englobe toute ta religion. Tellement l'isti'ana c'est fort. Tu n'arriveras jamais à t'en sortir sans l'isti'ana. C'est pas possible. Tu en as besoin tout le temps. Toute ta vie, dans tout ce que tu fais. Et c'est pour ça que tu dis déjà aussi dans la meilleure adoration qui est le salat. La hawla ou la quwwata illa billah. Ça veut dire quoi? Ça c'est l'isti'ana. La hawla ou la quwwata illa billah, c'est isti'ana billah. C'est pas l'istirja, comme les gens croient. Les gens pensent que ça c'est istirja, dans le sens où lorsqu'il arrive un malheur, on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Ça n'a rien à voir. On ne dit pas la hawla wa la quwwata illa billah donc lorsqu'il y a un malheur. On dit la hawla wa la quwwata illa billah parce qu'on a besoin d'Allah pour qu'il nous aide à attaquer tout seul. En ce moment, on va dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça l'istirja dans les malheurs. Mais pas la hawla wa la quwwata illa billah. Les gens font un mélange. Comme le dit le Cheikh Hassan al-Sidi, rahmallah. Ils se trompent. Déjà, c'est-à-dire qu'à son époque, les gens se trompaient déjà. En vérité, on dit, hein, donc, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et l'autre, la hawla wa la quwwata illa billah, c'est dans, au moment où on a besoin d'Allah pour justement les forces. Lorsqu'on a besoin de force auprès d'Allah. On le dit dans la salat. Hayya ala salat. Qu'est-ce qu'on dit? On dit la hawla wa la quwwata illa billah. Ou là où il y a en plus les meilleures paroles, c'est-à-dire ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Hein, la shahada, shahadatayn. On le dit juste après. On le dit parce qu'on a besoin. Notre prière qu'on fait 5 fois par jour, qu'on va à la fin à la mosquée, je veux dire 5 fois par jour, sans compter, hein, où on entend l'imam dire et on répète. Pourquoi on répète? Parce que c'est Allah qui nous donne cette force. Et on sait que ça vient pas de toi, c'est pas. Ça vient pas de toi, c'est l'Allah. Et c'est pour ça que c'est important de savoir que. Et ça, c'est quoi? Ça rentre dans Tamam al-Iman bil-Qadri. C'est le fait d'avoir la foi, justement, forte dans le destin, dans le domaine du destin. Al-Iman bil-Qadri. Ça rentre dedans. Ça rentre dedans, justement. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'il rentre aussi dans les meilleures paroles. Les meilleures paroles qui sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah. Parce que ça, c'est l'isti'ana. Quand tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, là, tu vas rentrer dans un. Hein, tu vas rentrer dans le sana ala Allah, dans l'iman billah, et là tu rentres dans l'iman bil qadr, quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Et ça rentre aussi dans le barqiyat al-salihat, les barqiyat al-salihat que vous connaissez dans le Coran. Donc ça c'est justement un point important. Un point important, en vérité, il faut vraiment appuyer dessus. Parce que c'est la moitié de ta religion. Celui qui a vraiment tawakkul ala Allah, lui, mashallah, bi'idhnillah azza wa jalla, tu vois, il est fort, quoi. Et c'est pour ça qu'aussi, les meilleures personnes, qu'est-ce qu'ils font? Justement, ils disent, hein, donc on sait que parmi les meilleurs du'a que le prophète s'est dit souvent le matin, c'est hein, Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa hasni ibadatik. A'inni, donc aide-moi de quoi? Ala zikrika, pour que je te rappelle, wa ala un, zikrika wa shukrika wa hasni ibadatik. Ça, il le dit. Donc il demande de l'aide. Et la même chose pour, on pourrait rentrer dans d'autres, quoi. Donc ça c'est istikhara. Celui, hein, parmi les meilleurs de croyants, c'est celui qui fait à chaque fois istikhara dans ses besoins. Parce qu'il demande tout le temps à Allah. C'est un billah, lui il est fort, c'est un croyant qui est fort. Donc c'est important l'istihana, hein, ça reste important. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad, donc lorsqu'il a pris par sa main, il a dit Ya Mu'ad, Wallahi inni la uhibbuka, usika ya Mu'ad. Il dit bien donc, la tada'na fi kulli yani. يعني في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Donc on revient sur Alhamdulillah, Cheikh l'a mis là aussi. Il l'a mis aussi après par rapport à cela. Donc il dit bien au Mu'ad, je t'aime. Et je te conseille, Mu'ad, de ne jamais délaisser. De ne jamais délaisser. La tada'na. Certes, ne le délaisse jamais. Il dit bien, afin, donc à la fin de chaque prière, de dire اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Le fait de jamais oublier de te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps dans toute ta vie. Et donc, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans les rappels comme ça, les zikr. Et aussi, shukrika, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. Pourquoi? Parce que shukr, c'est sir dawam al-ni'am. Le shukr, c'est justement le remerciement, cette reconnaissance. C'est le secret de quoi? De la continuité perpétuelle des ni'am, des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont énormes. Donc, tu ne peux que le remercier à chaque fois. Toutefois, même si tu n'as pas tout sur toi. Wa husni ibadatik. Et bien sûr, de t'adorer de la plus belle façon, de la meilleure façon. Donc, on a fini pour ce qui est. Hein, donc, on a vu succinctement. Nasihal qui t'aide l'air, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.